Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Brève relation de voyage de la Nouvelle-France fait au mois d'avril 1632 par le père Paul le Jeune, de la Compagnie de Jésus, envoyé au révérend père Barthélemy Jacquinot, provincial de la même compagnie, en la province de France, d'après l'édition de Sébastien Cramoisi, publiée à Paris en l'année 1632. Relation de 1632, deuxième partie. Or, comme dans les grandes étendues de ce pays-ci, il y a quantité de nations toutes barbares, aussi se font-elles la guerre les unes les autres fort souvent. À notre arrivée à Tadoussac, les sauvages revenaient de la guerre contre les Iroquois et en avaient pris 9. Ceux de Québec en tenaient 6 et ceux de Tadoussac, 3. Monsieur Émery de Caen les fut voir. Il désirait sauver la vie aux plus jeunes. Je plaidais fort pour tout toi, mais on me dit qu'il fallait de grands présents, et je n'en avais point. Arrivé donc que nous fûmes aux cabanes des sauvages, qui sont faites de perches et couvertes d'écorce assez grossièrement. Le faîte n'est point couvert pour recevoir le jour par là, et donner issue à la fumée. Nous entrâmes dans celle du capitaine de guerre, qui était Longuette. Il y avait 3 feux au milieu, les uns éloignés des autres de 5 ou 6 pieds. Étant entrés, nous nous assîmes de part et d'autre, à plate terre, couvertes de petites branches de sapin. Ils n'ont point d'autre siège. Cela fait, on fit venir les prisonniers, qui s'assirent les uns auprès des autres. Le plus âgé avait plus de 60 ans, le second environ 30, le troisième était un jeune garçon de 15 à 16 ans. Ils se mirent tous à chanter pour montrer qu'ils ne craignaient point la mort, quoique très cruelle. Leur chant me sembla fort désagréable. La cadence finissait toujours par ces aspirations réitérées. « Oh, oh, oh, ah, ah, ah, hum, etc. » Après qu'ils eurent bien chanté, on les fit danser les uns auprès des autres. Le plus âgé se lève le premier et commence à marcher du long de la cabane, tout nu, hormis, comme j'ai dit, un morceau de peau qui couvrait ce que la nature a caché. Il frappait des pieds la terre en marchant et chantait incessamment. Voilà toute sa danse pendant laquelle tous les autres sauvages, qui étaient dans la cabane, frappaient des mains ou se battaient les cuisses, tirant cette aspiration du fond de l'estomac. Ah, ah, ah, ah, ah, ah! Et puis, quand le prisonnier s'arrêtait, il criait « Oh, oh! » Oh, oh, oh, hi, etc. L'un se rasséant, l'autre se mettait à danser. M. de Caen demanda quand on le ferait mourir. Ils répondirent le lendemain. Je les fus voir encore et je trouvai 3 pieux de bois dressés où on les devait exécuter. Mais il vint nouvelle de Québec qu'on traitait de paix avec les Iroquois et qu'il faudrait peut-être rendre des prisonniers. Ainsi, leur mort fut retardée. Il n'y a cruauté semblable à celle qu'ils exercent contre leurs ennemis. Sitôt qu'ils les ont pris, ils leur arrachent les ongles à belles dents. Je vis les doigts de ces pauvres misérables, qui me faisaient pitié, et une plaie assez grande au bras de l'un d'eux. On me dit que c'était une morsure de celui qui l'avait pris. L'autre avait une partie du doigt emportée, et je lui demandai si le feu lui avait fait cela. Je croyais que ce fut une brûlure. Il me fit signe qu'on lui avait emporté la pièce avec les dents. Je remarquai la cruauté même des filles et des femmes pendant que ces pauvres prisonniers dansaient, car, comme ils passaient devant le feu, elles soufflaient pour pousser la flamme dessus eux, pour les brûler. Quand ils les font mourir, ils les attachent à un poteau, puis les filles, aussi bien que les hommes, leur appliquent des tisons ardents et flambants aux parties les plus sensibles du corps, aux côtes, aux cuisses, à la poitrine et en plusieurs endroits. Il leur lève la peau de la tête, puis jette sur le crâne où il est découvert du sablon tout brûlant. Il leur perce les bras aux poignets avec des bâtons pointus et leur arrache les nerfs par ce trou. Bref, ils les font souffrir tout ce que la cruauté et le diable leur mettent en l'esprit. Enfin, pour dernière catastrophe, ils les mangent et les dévorent quasi tout crus. Si nous étions pris des Iroquois, peut-être nous en faudra-t-il passer par là, pour autant que nous demeurons avec les montagnards, leurs ennemis. Ils sont si enragés contre tout ce qui leur fait du mal qu'ils mangent les poux et toute autre vermine qu'ils trouvent sur eux, non pour aucun goût qu'ils y aient, mais seulement, disent-ils, pour se venger et pour manger ceux qui les mangent. Pendant que ces pauvres captifs chantaient et dansaient, il y en avait de notre équipage qui se riaient, voyant cette barbarie. Mais, ô mon Dieu, quel triste sujet de rire! C'est la vérité que le cœur me fendait. Je ne pensais nullement venir au Canada quand on m'y a envoyé. Je ne sentais aucune affection particulière pour les sauvages, si bien à faire l'obéissance, quand on m'eut d'en envoyer encore plus loin mille fois. Mais je puis dire que, quand j'aurais eu de l'aversion de ce pays, voyant ce que j'ai déjà vu, je serais touché, eussé-je le cœur de bronze. Plût à Dieu que ceux qui peuvent assister ces pauvres âmes et contribuer quelque chose à leur salut, fussent ici seulement pour 3 jours. Je ne crois pas que l'affection de les secourir ne saisit puissamment leur âme. Qu'on ne s'étonne point de ces barbaries. Avant que la foi fût reçue en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, ces peuples n'étaient pas plus polis. L'esprit ne manque pas aux sauvages du Canada, si bien l'éducation et l'instruction. Ils sont déjà las de leur misère et nous tendent les bras pour être assistés. Il me semble que les nations qui ont une demeure stable se convertiraient aisément. Je puis dire des Hurons tout ce que nous en a écrit, il y a quelque temps, le père d'un jeune homme de Paraguay, savoirait qu'il y a grandement à souffrir parmi eux, mais qu'il s'y peut faire de grands fruits, et que si les consolations de la terre y manquent, celles du paradis s'y goûtent déjà. Il ne faut que savoir la langue. Et si le père Brébeuf n'eût point été contraint par les Anglais de s'en retourner d'ici, lesquels s'étaient emparés du fort des Français, il aurait déjà bien avancé la gloire de Dieu en ce pays-là. Pour les nations étranges et vagabondes, comme sont celles où nous sommes, demeurant à Québec, il y aura plus de difficultés. Le moyen, à mon avis, de les aider, c'est de dresser des séminaires et prendre leurs enfants, qui sont bien éveillés et fort gentils. On instruira le père par le moyen des enfants. Voire même, il y a déjà quelques-uns d'entre eux qui commencent à cultiver la terre et, semer du blé d'Inde, leur vie fâcheuse et très misérable leur ennuie. Mais en un mot, la promesse du Père éternel à son Fils s'effectuera tôt ou tard. Je te donnerai les nations pour héritage, les confins de la terre pour possession. On a fait de grands fruits dans les Indes orientales et dans l'Amérique méridionale, quoi qu'on ait trouvé en ces pays-là, non seulement des vices à combattre, mais encore des superstitions étranges auxquelles ces peuples étaient plus attachés qu'à leur propre vie. En la Nouvelle-France, il n'y a que les péchés à détruire, et encore en petit nombre, car ces pauvres gens si éloignés de tout délice ne sont pas adonnés à beaucoup d'offenses. De superstitions aux fausses religions, s'il y en a à quelques endroits, c'est bien peu. Les Canadiens ne pensent qu'à vivre et à se venger de leurs ennemis. Ils ne sont attachés au culte d'aucune divinité. Ils peuvent prendre plusieurs femmes. Cependant, ils n'en ont qu'une. J'ai ouï parler d'un seul qui en a 2. Encore, lui en fait-on reproche. Il est vrai que celui qui saurait leur langue les manierait comme il voudrait. C'est à quoi je vais m'appliquer, mais j'avancerai fort peu cette année pour les raisons que j'écrirai en particulier à votre révérence. Mais retournons à la suite de notre voyage. Quelque temps auparavant que nous levassions les ancres de Tadoussac, il s'éleva un grain, comme parlent les matelots, ou une tempête si furieuse qu'il nous jeta bien avant dans le péril, quoique nous fussions à la maison d'assurance. C'est ainsi que j'appelle la baie de Tadoussac. Les tonnerres grondaient horriblement. Les vents furieux firent tellement plier notre vaisseau que si ce grain eût continué, il l'eût renversé sans dessus-dessous. Mais cette furie ne dura pas et, ainsi, nous échappâmes ce danger. Le troisième jour de juillet, nous sortîmes de Tadoussac et nous allâmes mouiller à l'échafaud aux Basques. C'est un lieu ainsi appelé à cause que les Basques viennent jusqu'à là pour prendre des baleines. Comme il était grand calme et que nous attendions la marée, je mis pied à terre. Je pensais être mangé de maringouins. Ce sont petites mouches importunes au possible. Les grands bois qui sont ici en engendrent de plusieurs espèces. Il y a des mouches communes, des mousquilles, des mouches luisantes, des maringouins, et de grosses mouches et quantité d'autres. Les grosses mouches piquent furieusement. Et la douleur qui provient de cette piqûre, et qui est fort cuisante, dure assez longtemps. Il y a peu de ces grosses mouches. Les mousquilles sont extrêmement petites. À peine les peut-on voir, mais on les sent bien. Les mouches luisantes ne font point mal. Vous diriez, la nuit, que ce sont des étincelles de feu. Elles jettent plus de lumière que les vers luisants que j'ai vus en France. Tenant une de ces mouches et l'appliquant auprès d'un livre, je lirai fort bien. Pour les maringouins, c'est l'importunité même. On ne saurait travailler, notamment à l'air, pendant leur règne, si on a de la fumée auprès de soi pour les chasser. Il y a des gens qui sont contraints de se mettre au lit, venant des bois, tant ils sont offensés. J'en ai vu qui avaient le col, les joues, tout le visage si enflé qu'on ne leur voyait plus les yeux. Ils mettent un homme tout en sang quand ils l'abordent. Ils font la guerre aux uns plus qu'aux autres. Ils m'ont traité jusqu'ici assez doucement. Je n'enfle point quand ils me piquent. Ce qui n'arrive qu'à fort peu de personnes si on y est accoutumé. Si le pays était écarté et habité, ces bestioles ne s'y trouveraient point, car, déjà, il s'en trouve fort peu au fort de Québec à cause qu'on coupe les bois voisins. Le 4 de juillet, nous levâmes l'ancre pour aborder à 4 lieues de Québec. Mais le vent était si furieux que nous pensâmes faire naufrage dans le port. Avant d'arriver à Québec, on rencontre, au milieu de cette grande rivière, une île nommée de Saint-Laurent, qui a bien 7 lieues de long. Elle n'est éloignée, du bout plus occidental, que d'une lieue de la demeure des Français. Environ le milieu de cette île, on jette à l'ancre pour s'arrêter. Mais les vents et la marée poussaient notre navire avec une telle impétuosité que le câble se rompit comme un filet et l'ancre demeura dans l'eau. À 1/4 lieue de là, on en jeta une autre. Le câble se rompit tout de même que le premier. Dedans ce trouble, comme les vents redoublaient, le câble, qui tenait notre bateau, attaché derrière notre navire, se rompit aussi et, en un instant, notre bateau disparut. À 3 jours de là, quelques sauvages nous vinrent apporter nouvelles du lieu où ils s'étaient allés échouer. S'il eût rencontré des roches, aussi bien qu'il rencontra de la vase, il se fût brisé en 100 pièces. Si cette bourrasque nous eût pris 1 heure plus tôt, en un endroit fort dangereux, nos pilotes disaient que c'était fait de nous. Enfin, quand nous fûmes environ 3/4 lieue du bout de notre pèlerinage, on jeta la 3e ancre qui nous arrêta. Une barque française que nous avions rencontrée à Tadoussac et qui venait avec nous perdit 2 ancres aussi bien que nous. Enfin, le 5 de juillet, qui était un lundi, 2 mois et 18 jours depuis le 18 d'avril, que nous partîmes, nous arrivâmes au port tant désiré. Nous mouillâmes l'ancre devant le fort que tenaient les Anglais. Nous vîmes, au bas du fort, la pauvre habitation de Québec toute brûlée. Les Anglais, qui étaient venus en ce pays-ci pour piller et non pour édifier, ont brûlé non seulement la plus grande partie d'un corps de logis que le père Charles l'Allemand avait fait dresser, mais encore toute cette pauvre habitation en laquelle on ne voit plus que des murailles de pierre toutes bouleversées. Cela incommode fort les Français, qui ne savent où se loger. Le lendemain, on envoya sommer le capitaine Thomacker, Français de nation, né à Dieppe, qui s'est retiré en Angleterre et qui, avec David et Louis Kerr, ses frères, et un nommé Jacques Michel, aussi diepois, tous huguenots, s'étaient venus jeter sur ce pauvre pays, où ils ont fait de grands dégâts et empêché de très grands biens. Ce pauvre Jacques Michel, plein de mélancolie, ne se voyant point récompensé des Anglais, ou plutôt des Français reniés et anglisés, comme il prétendait, pressé, en outre, d'un remords de conscience d'avoir assisté ces nouveaux Anglais contre ceux de sa patrie, mourut subitement après la prise de ce pays-ci. Il fut enterré à Tadoussac. J'ai appris ici que les sauvages le déterrèrent et firent toutes sortes d'ignominies à son corps, le mirent en pièces, le donnèrent à leurs chiens. Voilà le salaire des perfides. Je prie Dieu qu'il ouvre les yeux des autres. Monsieur Émery de Caen avait déjà envoyé, de Tadoussac, une chaloupe, avec un extrait des commissions et lettres patentes des rois de France et d'Angleterre, par lesquelles il était commandé au capitaine anglais de rendre le fort dans 8 jours. Les lettres vues, il fit réponse qu'il obéirait quand il aurait vu l'original. On lui porta donc le lendemain de notre arrivée. Cependant, nous allâmes célébrer la Sainte-Messe en la maison la plus ancienne de ce pays-ci. C'est la maison de Madame Hébert, qui s'est habituée auprès du fort, du vivant de son mari. Elle a une belle famille. Sa fille est ici mariée à un honnête Français. Dieu les bénit tous les jours, il leur a donné de très beaux enfants. Leur bataille est en très bon point, leur terre leur apporte de bons grains. C'est l'unique famille de Français habituée en Canada. Ils cherchaient les moyens de retourner en France, mais, ayant appris que les Français retournaient à Québec, ils commencèrent à revivre. Quand ils virent arriver ces pavillons blancs sur les mâts de nos vaisseaux, ils ne savaient à qui dire leur contentement. Mais quand ils nous virent en leur maison pour y dire la Sainte-Messe, qu'ils n'avaient point entendue depuis 3 ans, bon Dieu, quelle joie! Les larmes tombaient des yeux quasi à tous, de l'extrême contentement qu'ils avaient. Oh, que nous chantâmes de bon cœur le Te Deum Laudamus. C'était justement le jour de l'octave de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le Te Deum chanté, j'offris à Dieu le premier sacrifice à Québec. L'Anglais, ayant vu les patentes signées de la main de son roi, promit qu'il sortirait dans la huitaine. Et, de fait, il commença à s'y disposer, quoique avec regret. Mais ces gens étaient tous bien aises du retour des Français. On ne leur donnait que 6 livres de pain, au poids de France, pour toute la semaine. Ils nous disaient que les sauvages les avaient aidés à vivre la plupart du temps. Le mardi suivant, 13 de juillet, ils remirent le fort entre les mains de M. Émery de Caen et de M. Duplessis Bochard, son lieutenant. Et le même jour, firent voile dans 2 navires qu'ils avaient à l'ancre. Dieu sait si nos Français furent joyeux, voyant déloger ces Français anglisés, qui ont fait tant de maux en ces misérables contrées, et qui sont cause que plusieurs sauvages ne sont pas baptisés. Notamment aux Hurons, où la foi produirait maintenant des fruits dignes de la table de Dieu, si ces ennemis de la vérité, de la vraie vertu de leur patrie, ne se fussent point jetés à la traverse. Dieu soit béni en tout. C'est à nos Français de penser à leur conservation, et à mettre, en peu de temps, ce pays-ci en tel état, qu'ils aient fort peu à faire des vivres de France, ce qui leur sera bien aisé s'ils veulent travailler. Les Anglais délogeant, nous sommes rentrés dans notre petite maison. Nous y avons trouvé pour tout meuble 2 tables de bois telles quelles, les portes, fenêtres, châssis, tous brisés et enlevés. Tout s'en va en ruine. C'est encore pire en la maison des pères Récollet. Nous avons trouvé nos terres défrichées couvertes de pois. Nos pères les avaient laissées à l'Anglais couvertes de fourments, d'orge et de blé d'Inde. Et cependant, ce capitaine Thomacker a vendu la récolte de ces pois, refusant de nous les donner pour les fruits qu'il avait trouvés sur nos terres. Notre Seigneur soit honoré pour jamais. Quand on est en un mauvais passage, il s'en faut tirer comme on peut. C'est beaucoup qu'un tel hôte soit sorti de notre maison, et de tout le pays. Nous avons maintenant prou de quoi exercer la patience. Je me trompe, C'est Dieu même qui porte la croix qu'il nous donne. Car, en vérité, elle nous semble petite, quoiqu'il y ait de quoi souffrir. Retournons au sauvage et en disons encore deux petits mots. La veille de notre départ de Tadoussac, vinrent nouvelles que les prisonniers Iroquois avaient été mis à mort à Québec et que ceux de Tadoussac devaient, le lendemain, passer le pas. Je me remets à plaider leur cause et promets de donner ce qu'il faudrait pour les nourrir, passant en France, voire de trouver personne qui les recevrait sitôt qu'ils y seraient arrivés. Je me confie en la charité de plusieurs honnêtes personnes qui n'auraient pas refusé une aumône pour acheter le corps de ces misérables, des supplices qu'ils ont endurés, et leur âme de la damnation éternelle. J'aborde donc M. Duplessis, notre lieutenant, je lui fais appréhender l'affaire. On fait des aumônes en France pour retirer les emprisonnés pour des dettes, et pourquoi ne travaillera-t-on point pour ces pauvres esclaves de Satan? Je lui fais mes offres, que nous donnerions tout ce que nous pourrions. Il embrasse l'affaire et la propose le soir entre ceux qui mangèrent à la table de notre capitaine. On repart qu'il faudrait de grands présents pour leur sauver la vie. M. Duplessis dit qu'on donnerait ce qu'on pourrait et qu'au reste, il ne faudrait pas grand-chose, qu'on pourrait demander ces trois personnes iroquoises comme en échange de Français qu'ils ont tués il y a quelques années ou, à tout le moins, en demander deux et qu'assurément, on les aurait. Le truchement qui leur avait parlé m'avait assuré que la chose était facile. Là-dessus, on forme mille difficultés, et l'un de la compagnie s'écria qu'il fallait qu'ils mourussent, qu'ils les étrangleraient plutôt, que c'étaient des coquins et que, parlant à un sauvage de Québec, il lui avait donné avis de les faire mourir. Si la mort de ces misérables apportait quelque chose à la traite de peau qu'on peut faire en ce pays-ci, ce zèle de mort aurait quelques couleurs, mais leur vie et leur mort ne fait rien pour la traite. Oh, qu'il importe beaucoup de bien choisir les personnes qu'on envoie en ce pays-ci! Il est vrai que M. Imbri de Caen n'approuva point cette cruauté. Quoi que s'en soit, le vent nous étant favorable, le jour suivant nous fîmes voile et laissâmes là ces trois pauvres abandonnés entre les mains de leurs ennemis, qui en traitèrent deux d'une horrible façon, car ils n'ont point tué le plus jeune, à ce qu'on nous a dit. Arrivé que nous fûmes à Québec, on nous raconta la mort de six prisonniers que les sauvages tenaient, lequel est arrivé pour l'ivrognerie que les Européens ont ici apportée. Le ministre anglais, qui, au reste, n'était point de la même religion que les Ouailles, car il était protestant ou luthérien, les Kerrs sont calvinistes, ou de quelque autre religion plus libertine, aussi ont-ils tenu 6 mois en prison, ce pauvre ministre, dedans notre maison. Lequel m'a raconté que les montagnards voulaient traiter la paix avec les Iroquois, et que celui qui tenait les prisonniers lui avait promis qu'on ne les ferait point mourir. Néanmoins, ce misérable étant ivre d'eau-de-vie, qu'il avait traité avec les Anglais pour des castors, appela son frère et lui commanda d'aller donner un coup de couteau à l'un des Iroquois et le tuer. Ce qu'il fit. Voilà les pensées de la paix évanouies. On parle de la mort des autres. Le ministre, entendant cela, dit à ce sauvage qu'il n'avait point tenu sa parole, faisant mourir ce prisonnier. « C'est toi, » répond le sauvage, « et les tiens qui l'ont tué. Car si tu ne nous donnais point d'eau de vie, ni de vin, nous ne ferions point cela. » Et de fait, depuis que je suis ici, je n'ai vu que des sauvages ivres. On les entend crier et tempêter jour et nuit, ils se battent et se blessent les uns les autres, ils tuent le bestial de Madame Hébert et, quand ils sont retournés à leur bon sens, ils vous disent « Ce n'est pas nous qui avons fait cela, mais toi qui nous donnes cette boisson. » Ont-ils cuvé leur vin, ils sont entre eux aussi grands amis qu'auparavant, se disant l'un l'autre, « Tu es mon frère, je t'aime. Ce n'est pas moi qui t'ai blessé, mais la boisson qui s'est servie de mon bras. » J'en ai vu de tout meurtri par la face. Les femmes même s'enivrent et crient comme des enragés. Je m'attends bien qu'ils tueront l'un de ces jours quelques Français, ce qu'ils ont déjà pensé faire, et passé 8 heures du matin, il ne fait pas bon les aller voir sans armes quand ils ont du vin. Quelques-uns de nos gens y étant allés après le dîner, un sauvage les voulut assommer à coups de hache. Mais d'autres sauvages, qui n'étaient pas ivres, vinrent au secours. Quand l'un d'eux est bien ivre, les autres le lient par les pieds et par les bras, s'ils le peuvent attraper. Quelques-uns de leurs capitaines sont venus prier les Français de ne plus traiter d'eau-de-vie ni de vin, disant qu'ils seraient la cause de la mort de leurs gens. C'est bien le pis quand ils envoient devant eux d'autres autant ivres qu'ils sauraient être. Mais finissons le discours de ces Iroquois. On fit parler au capitaine anglais s'il en voulait quelques-uns. Comme il entendit qu'il fallait faire quelques présents, il répondit que non et qu'ils en fissent ce qu'ils voudraient. Voici donc comment ils les traitèrent. Ils leur avaient arraché les ongles avec les dents, sitôt qu'ils furent pris. Ils leur coupèrent les doigts le jour de leur supplice, puis les lièrent les deux bras ensemble, par le poignet de la main, avec un cordeau, et deux hommes, de part et d'autre, les tiraient tant qu'ils pouvaient. Ce cordeau entrait dans la chair et brisait les os de ces pauvres misérables, qui criaient horriblement. Ayant les mains ainsi accommodées, on les attacha à des poteaux, et les filles et les femmes donnaient des présents aux hommes afin qu'ils les laissent tourmenter à leur gré ces pauvres victimes. Je n'assistai point à ce supplice, je n'aurais pu supporter cette cruauté diabolique. Mais ceux qui étaient présents me dirent, sitôt que nous fûmes arrivés, qu'ils n'avaient jamais vu rien de semblable. Vous eussiez vu ces femmes enragées, criant, hurlant, leur appliquer des feux aux parties les plus sensibles et les plus vergogneuses, les piquer avec des haleines, les mordre à belles dents comme des furies, leur fendre la chair avec des couteaux. Bref, exercer tout ce que la rage peut suggérer à une femme. Elles jetaient sur eux du feu, des cendres brûlantes, du sable tout ardent et, quand les suppliciés jetaient quelques cris, tous les autres criaient encore plus fort afin qu'on n'entendît point leurs gémissements et que ne fût touché de compassion. On leur coupa le haut du front avec un couteau, puis enleva la peau de la tête, et jeta-t-on du sable ardent sur la tête découverte. Maintenant, il y a des sauvages qui portent ces peaux couvertes de leurs cheveux et moustaches par bravade. On voit encore plus de 200 coups d'haleine dans ces peaux. Bref, ils exercent sur eux toutes les cruautés que j'ai dit ci-dessus, parlant de ce que j'avais vu à Tadoussac, et plusieurs autres dont je ne me souviens pas maintenant. Quand on leur représente que ces cruautés sont horribles et indignes d'un homme, ils répondent « Tu n'as point le courage de laisser vivre tes ennemis. Quand les Iroquois nous prennent, ils nous en font encore pis. Voilà pourquoi nous les traitons le plus mal qu'il nous est possible. » Ils firent mourir un sagamo Iroquois, homme puissant et courageux. Il chantait dans ses tourments. Quand on lui vint dire qu'il fallait mourir, il dit, comme tout joyeux, « Alors, j'en suis content. J'ai pris quantité de montagnards, mes amis en prendront encore, ils vengeront bien ma mort. » Là-dessus, il se met à raconter ses prouesses et dire adieu à ses parents, ses amis et aux alliés de sa nation, au capitaine flamand qui va traiter des peaux au pays des Iroquois par la mer du Nord. Après qu'on lui ait coupé les doigts, brisé les os des bras, arraché la peau de la tête, qu'on l'eût rôti et brûlé de tous côtés, on le détacha, et ce pauvre misérable s'en courut droit à la rivière, qui n'était pas loin de là, pour se rafraîchir. Ils le reprirent, lui firent encore endurer le feu une autre fois. Il était tout noir, tout grillé, la graisse fondait et sortait de son corps, et avec tout cela, il s'enfuit encore pour la seconde fois. Et l'ayant repris, ils le brûlèrent pour la troisième. Enfin, il mourut dans ses tourments. Comme ils le voyaient tomber, ils lui ouvrirent la poitrine, lui arrachant le cœur, et le donnant à manger à leurs petits-enfants, le reste était pour eux. Voilà une étrange barbarie. Maintenant, ces pauvres misérables sont en crainte, car les Iroquois sont tous les jours aux aguets pour surprendre les montagnards et leur en faire autant. C'est pourquoi notre capitaine, voulant envoyer quelqu'un au Huron, n'a jamais pu trouver aucun sauvage qui y voulût aller. À suivre.